le ben la peine. Représente tous les ghettos. Ne dors pas, garde l'avenir à partir de ceux qui s'aiment tôt. Hey yo, time.